Le temps du don, en partenariat avec l'Union départementale des associations de donneurs de sang bénévoles en Meurthe-et-Moselle. Bienvenue sur Fadjet, vous écoutez Le Temps du Don. Au programme de cette troisième émission, Dominique vous informera sur les dernières actualités sur le don de sang. Nous recevrons le docteur Christophe Brulard, responsable des prélèvements du bassin de Nancy, avec qui on se demandera ce qu'est le don de sang. Et nous finirons avec l'agenda du don du mois de novembre. Le Temps du Don, le temps de l'actu. Tout de suite, le temps de l'actu présenté par Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Christophe. Dominique, qu'est-ce qui a retenu ton attention ces derniers jours ? Eh bien Christophe, est-ce que tu connais Octobre Rose ? Oui, alors c'est durant le mois d'octobre, il y a plein d'activités et de communication sur la prévention du cancer du sein, entre autres. Mais c'est du passé ça. Oui, c'est du passé, je sais. Et je sais que t'as couru dans les rues de Nancy pour Octobre Rose, non ? Mais ce mois-ci, c'est le mois de novembre et c'est l'opération Movember. Alors, je sais pas si tu connais, c'est durant un mois, on incite les hommes à garder leurs moustaches. Ouais. Est-ce que tu connais le point commun entre ces deux opérations ? Ben non, Dominique, vas-y, explique-nous. Eh bien, si Octobre Rose nous incite à enfiler nos baskets contre le cancer du sein, en novembre, les garçons sont invités à garder leurs moustaches pour communiquer sur le cancer de la prostate et des testicules. D'accord. Je t'avoue que c'est un peu moins sportif, mais dans les deux cas, il s'agit de communiquer sur la prévention de cancer. Alors, tous les cancers sont différents, mais souvent les traitements peuvent venir de nos dons. Et c'est mal connu, mais 36% des transfusions sanguines en France sont utilisées dans le traitement des cancers. Et pour aller plus loin, quand on donne son sang, les médecins de l'EFS en retirent le plasma. Et dans notre plasma, il y a des médicaments naturels, comme les anticorps, qui sont utilisés pour traiter les personnes qui sont immunodéprimées. Et c'est encore mieux si on donne son plasma, puisqu'on peut en donner plus souvent. Et on peut donner ensuite environ 800 grammes de plasma, et ce, une fois toutes les deux semaines. Et comme on sait que malheureusement, ces médicaments sont rares, la France n'en a pas assez pour soigner les patients. Et donc, on en importe une large majorité. Ok Dominique, bon alors concrètement, comment les Meurthe-et-Mosellans peuvent-ils donner leur plasma puisque c'est si important ? Eh bien Christophe, que l'on aille en courant durant Octobre Rose ou avec une moustache pour donner son plasma, il faut aller dans une maison du don, et il y en a une dans les grandes villes. À Nancy, la maison du don se trouve boulevard Lobo, pas loin du quartier entre Meurthe et Canal. Il faut prendre rendez-vous, mais on trouve beaucoup de dates pour donner son plasma. Il faut compter un peu moins d'une heure, ça passe vite. Ça permet de gérer ses mails ou aller sur TikTok ou Facebook comme toi. Et puis, toujours après, il y a une collation. Ok, et alors, je fais comment pour y aller ou pour prendre rendez-vous ? Alors, deux solutions, on peut appeler au téléphone, mais le plus simple, on prend son portable, on télécharge l'application Don du sang, et là, on trouve l'adresse, on peut prendre rendez-vous, on peut même faire une partie du questionnaire prédon pour vérifier si on peut donner. Et comme cela, sans courir, on peut soigner des personnes atteintes du cancer ou d'autres maladies, car dans le plasma, il y a plein de médicaments et on manque vraiment de ces médicaments. Ok. Merci Dominique. Bon alors je vais donc me laisser pousser la moustache. Je t'enverrai une belle photo que je prendrai lors de mon prochain don de plasma au cours de ce mois de novembre. Le temps du don, le temps de l'édito. Chaque jour, des vies tiennent à un fil ou plutôt à une poche de sang. On l'oublie souvent, mais derrière chaque accident de la route, chaque opération chirurgicale délicate, chaque naissance compliquée, il y a parfois un geste anonyme et généreux, celui d'un donneur de sang. C'est un geste qui ne coûte presque rien. Une heure de son temps, un petit pincement au contact de l'aiguille, et c'est tout. Mais ce geste peut sauver jusqu'à 3 vies. 3 personnes, 3 histoires, 3 futurs qui continuent, et ça grâce à vous. Et ce sang, rappelons-le, ne se fabrique pas en laboratoire, il n'existe aucun substitut. Le seul moyen d'en avoir, c'est de le donner. Voilà pourquoi chaque don compte, encore plus en période de pénurie. Les bénévoles pour le don de sang sont là pour vous le rappeler. Ils entrent en action lors d'actions de promotion du don ou bien entendu pendant les collectes puisqu'ils servent les collations, déposent les affiches chez les commerçants qui jouent le jeu, posent des pancartes, des banderoles dans les villes et les villages. Bon et là je vais pas pouvoir m'empêcher de pousser un coup de gueule car les bénévoles le font par altruisme. Et c'est pourquoi nous condamnons fermement l'agression dont a été victime un bénévole de l'association de Nancy le 30 septembre dernier alors qu'il déambulait dans les rues de Nancy en portant le costume de Globuline. Alors la prochaine fois que vous verrez les affiches annonçant une collecte près de chez vous, que vous croiserez Globuline ou que vous recevrez un mail, un SMS, un appel à la maison du don, n'hésitez pas, prenez rendez-vous et allez-y. Offrir son sang c'est donner un peu de soi, mais c'est surtout donner beaucoup aux autres. Quel sentiment de fierté vous ressentirez après un don. C'est un petit geste pour vous, une grande bouffée de vie pour quelqu'un d'autre. Le temps du don, le temps de l'invité. Alors, cette semaine, dans Le temps du don, nous sommes en sécurité puisque nous recevons un médecin. Notre invité est responsable des prélèvements du bassin de Nancy à la maison du don de Nancy. Bonjour Christophe Brulard. Bonjour messieurs. Bienvenue dans le temps du don. Merci. Docteur Brulard, je vous propose dans une première partie de vous présenter afin que nos auditeurs sachent à qui ils ont affaire, de nous dire comment vous êtes arrivé au poste que vous occupez maintenant. Et puis dans la deuxième partie, vous nous direz tout ce qu'il faut savoir sur le don de sang. Ça vous va ? C'est parti. C'est parti ? Alors, dites-nous qui vous êtes, docteur Brulard. Voilà, Christophe Brulard, donc je suis médecin depuis un certain nombre d'années. Ok. J'ai déjà été médecin généraliste pendant une vingtaine d'années. Et puis, j'ai voulu rechanger d'activité, donc je me suis formé pour être médecin dans la transfusion. J'ai fait des collectes comme médecin, puis aujourd'hui je suis responsable, je gère l'organisation en fait, du don du sang sur une partie des départements de la Lorraine. Ok, donc ça consiste en quoi alors cette gestion des prélèvements d'une partie de la Lorraine ? Alors, cette gestion, c'est déjà s'occuper de la maison du don, trouver du personnel, former le personnel, qualifier un certain nombre d'automates pour pouvoir justement faire tous ces prélèvements. Et donc c'est une première partie de notre activité. L'autre partie, donc nous organisons des collectes en collaboration avec vous. Donc quand vous dites vous, c'est les associations de donneurs de sang. Ou les associations de bénévoles qui sont notre relais sur le terrain au quotidien. Et donc voilà, de la même façon, on organise le personnel, on organise avec les communes aussi, on nous met à disposition des salles pour pouvoir prélever un certain nombre de poches. Sur le grand test, on a besoin à peu près de 5000 poches de sang par semaine. Donc ça va de l'Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, c'est notre région. Et donc c'est toute une organisation de collecte au quotidien. Ok, bon, ça doit bien occuper vos journées tout ça. Pas mal, comme toute entreprise, quoi. On doit se mettre à disposition du personnel, une logistique. Donc la gestion d'humain, de la gestion de la prévision, il y a beaucoup de facettes sur le métier. Sur l'humain, ça va ? Ça se passe comment à la maison du don ? Alors, la maison du don, on va dire, ça se passe bien. La difficulté aujourd'hui de tous les métiers qui tournent autour de la santé, c'est de trouver du personnel et d'arriver à le fidéliser. Un appel peut-être à passer, là ? On peut. On est sur les ondes. Nous recrutons des infirmiers en permanence et dans une ambiance, on va dire, plutôt sympa. Ça, je confirme. Ambiance de travail agréable. Et on fait appel à vous, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à contacter la Maison du Don, si vous êtes infirmière, si vous recherchez une opportunité de travail s'offre à vous, là, en vous présentant à cette Maison du Don. Ok, merci docteur Brulard, je pense qu'on vous connaît un peu mieux maintenant, les auditeurs savent qui ils écoutent. Donc ce que je vous propose là, c'est de vous faire jouer un petit jeu. Le temps du don, le temps du quiz. Allez. Je vais vous poser deux questions à tous les deux, là, et aux auditeurs, bien sûr. La première question, c'est sous forme de QCM, docteur, n'ayez pas peur. La première question, c'est combien de dons de sang sont nécessaires par jour en France pour répondre aux besoins ? Petit A, 100. Petit B, 1000. Petit C, 10 000. Je vous écoute. 10 000 ? Si le docteur l'a dit, ça doit être vrai. Ok, bon effectivement c'est la bonne réponse, 10 000 dons de sang sont nécessaires par jour, et tout à l'heure là vous le disiez, sur le Grand Est c'est 5 000 dons qui sont nécessaires, c'est ça ? Par semaine, par ok, semaine. Donc ça c'est par semaine, ouais. Et alors si on zoome un peu sur le département, on a des chiffres ? Sur Nancy on a besoin d'à peu près 1300 dons par semaine. Quand on dit dons, on parle de dons de sang là ? Dons de sang, uniquement, okay. Oui. Merci, donc ça c'était la première question. La seconde, combien de maisons du don sont en fonction dans le Grand Est ? Petit A, une maison du don. Petit B, 9 maisons. Et petit C, 18 maisons. Je dirais qu'il n'y en a pas assez, mais je ne sais pas le chiffre. Alors, Dominique, tout à l'heure, tu nous as parlé qu'il y en avait dans les grandes villes. Je dirais 9. Effectivement, c'est 9 maisons du don sur le Grand Est. Donc voilà, facile, facile. Il est trop fort ce docteur. Alors chez nous, à Nancy, on a une maison du don. Oui. C'est quoi les horaires de la maison du don ? Donc nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 16h. Ok, merci pour ces précisions. Donc bravo à tous les deux. Vous qui nous écoutez, je suis sûr que vous aviez aussi les bonnes réponses. Le temps du don, le temps de l'invité. Docteur Brulard, je souhaiterais que vous nous parliez un peu du don du sang et surtout que vous donniez à nos auditeurs l'envie de franchir les portes des collectes ou de la maison du don dont on parlait à l'instant. Comment ça se passe, un don de sang ? un don de sang, on va déjà vous demander votre identité. Hein, donc, si vous présentez, il faut venir nous voir avec un papier d'identité. Avec une photo, donc. Ouais. Une date de naissance. Hein. Ensuite, on va vous redonner un questionnaire. Un questionnaire qui a pour but d'évaluer votre état de santé, que votre état de santé soit compatible avec le don. Et puis, l'autre objectif, c'est de ne pas transmettre à une personne qui va justement recevoir le sang une pathologie infectieuse en général. Le don dure en gros 7 à 10 minutes. Ouais. On va vous demander ensuite de rester 20 minutes en collation, un temps de surveillance et de partage. Et oui, partage avec les associations de donneurs, ouais, bien souvent. Hein, donc, voilà, toujours un bon moment. C'est un bon moment, effectivement. Et puis après, là, il s'est passé combien de temps en moyenne entre le moment où on passe la porte de la collecte et le moment où on ressort? On va compter 3/4 d'heure, 1 heure, en gros. Hein, bon. Le temps de s'enregistrer et puis de faire le parcours tranquillement. Allez, 1 heure, ça fait quoi? Ça fait 2 épisodes d'une série de 26 minutes, quoi, globalement, qu'on peut regarder tranquillement sur son smartphone. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Confirmé, oui. Dominique. Hein, t'es un fan de série, toi? Ouais, bien sûr. Ok. Donc ça, c'est une première chose. Donc merci pour ces infos. Après, à quoi sert un don de sang? Le don de sang, sa principale fonction, en fait, est de corriger une anémie. Hein, c'est-à-dire un manque de globules rouges, hein, qui peut être dû à une pathologie, à un cancer, une chimiothérapie. Tu nous l'avais dit, Christophe, de la chirurgie, un accident, hein, bien sûr, un accouchement. Hein. Donc, on va compléter, en fait, le manque de globules rouges par un apport extérieur. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Quelles sont les contre-indications principales? Alors, on va dire, dans des pathologies, on va vous demander de ne pas avoir de problèmes cardiaques sévères, troubles du rythme, par exemple, un diabète sous insuline, hein, on ne va pas prélever. Si vous avez eu un cancer, on ne va pas prélever non plus. Et puis ensuite, dans le but de ne pas transmettre une pathologie, on va vous demander de ne pas avoir fait de tatouage, piercing, une endoscopie, par exemple, dans les 2 derniers mois. Ça a changé, oui. Ok, oui. Voilà. On était sur 4 mois et aujourd'hui, on va dire, avec nos technologies en biologie, on est passé à 2 mois sur ces contre-indications. C'est une bonne nouvelle. Oui. L'autre chose, on va vous demander, pour ne pas transmettre de maladies sexuellement transmissibles, on va vous demander d'avoir un partenaire sur les 4 mois et que ce partenaire, à votre connaissance, n'ait pas eu d'autres partenaires dans les 4 derniers mois. Bon, il y a aussi une relation, ce sont des questions de confiance aussi, hein, parce que là, c'est du déclaratif. Oui, voilà, nous, on fait confiance à nos donneurs. Et puis, il faut bien comprendre que c'est aussi pour la personne qui va recevoir de ne pas l'exposer à un risque de ce type de maladie. Après, est-ce qu'il y a d'autres infos à savoir par rapport au poids, l'âge peut-être ou des... Oui, voilà, donc pour prélever, il faut faire plus de 50 kilos. Vous pouvez donner entre 18 et 70 ans révolus, quoi, la veille de vos 71 ans. Ok. Encore un peu de marge, Dominique. Ouais. Ouais, tous les deux, on peut donner. Encore un petit peu, ouais. Une femme peut faire 4 dons de sang par an, un homme 6. Ok. Avec un intervalle de 8 semaines entre 2 dons. Voilà, donc ça c'est aussi une info importante à connaître. On a parlé d'un poids minimum, il y a un poids maximum? Pas vraiment, on va dire. Il n'y a pas de vrai poids maximum. Après, finalement, on a des fauteuils, hein, sur lesquels on peut s'installer. Mm-hmm. Et en fonction de la collecte mobile ou les fauteuils, on va dire, de site fixe, il y a un poids maximum qui ne pourrait pas être supporté par les fauteuils. Mais on est sur des poids très élevés, quoi. Oui, il y a une légende qui dit qu'il faut être à jeun comme un prélèvement de sang. Non. Surtout pas. Non, voilà. Hein. Vous allez venir, on va vous demander de bien vous hydrater et puis surtout d'avoir un peu de sucre, hein, d'avoir mangé avant, ça pose aucun souci. Ok, d'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Là, j'ai quelques éléments de langage qui reviennent généralement quand on est sur des actions de promotion du don. On a déjà répondu là sur le « je peux pas donner ». Les gens viennent, quand on leur parle de don de sang, ils nous disent « je peux pas donner parce que je suis tatoué ». Donc là, vous avez déjà répondu. Donc, alors, ils nous disent « j'ai un traitement ». Alors, on va dire, la plupart des médicaments sont autorisés. Mm-hmm. Certains médicaments peuvent être tératogènes, c'est-à-dire que si c'est une femme enceinte qui reçoit le prélèvement, certains médicaments pourraient donner des malformations au fœtus. Donc, on est sur des contre-indications. Ça reste, par exemple, un médicament comme le Roaccutane pour l'acné, certains antiépileptiques qui peuvent être utilisés pour comme antalgiques. Donc, on va dire que c'est un nombre de médicaments réduit. Et ensuite, c'est plus la pathologie qui va faire que vous ne soyez pas accepté plutôt que le médicament. Et vous pouvez très bien avoir un traitement pour votre hypertension et donner aucune contre-indication. Oui, alors ça fait partie effectivement des choses qui nous sont remontées. Hein. J'ai de l'hypertension, j'ai du diabète, vous en avez parlé tout à l'heure, j'ai du cholestérol, voilà. Pas de contre-indication. Non. De base, comme ça, il n'y a pas de contre-indication. On peut même donner son sang si on est fumeur. On peut, oui. Mais tout à fait. Et puis si on fume autre chose que de la cigarette, est-ce qu'il est possible de donner son sang? Oui, vous pouvez aussi. Alors on va vous demander de ne pas avoir fumé le jour même. Mais ça n'est pas une contre-indication. Ok, ça peut se rencontrer aussi lors d'événements de sensibilisation, de promotion du don. Hein. Bien sûr. Des fois, on rencontre des personnes qui nous disent, j'ai fumé, mais pas que de la cigarette, je ne peux pas donner. Donc, non. Voilà. Pas de contre-indication de ce type. Autre question qu'on rencontre, j'en profite, hein, j'ai été transfusé. Alors aujourd'hui, cela reste une contre-indication en France, en Angleterre. On va dire qu'on est sur les deux zones en Europe pour lesquelles de nombreux cas de maladie de la vache folle, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ont été détectés. Et pour cette maladie, on n'a pas de test biologique en fait, pour la mettre en évidence. Et le fait d'avoir été transfusé, vous auriez potentiellement pu recevoir ce prion. Et donc, par précaution, en fait, pour ne pas faire ressortir de maladies émergentes, aujourd'hui, on ne peut pas donner. C'est une question qui est en perpétuel débat. Pour l'instant, on est sur le principe de précaution. Donc. Voilà, on est resté sur ce principe, même si le risque, on va dire, est hypothétique. Ouais. Allez, une petite dernière. J'en avais noté plusieurs, mais allez. Voilà, des gens qui nous disent, je vois une aiguille, je fais un malaise. Qu'est-ce qu'on lui répond à ça? Non, ça va bien se passer. Et puis, on peut se dire, dans sa vie, on va toujours être amené un jour ou l'autre à faire un bilan sanguin, à voir certains actes médicaux, et il faudra bien le faire. Et puis, l'ambiance fait que vous allez être bien accueilli, on va vous mettre en confiance, tout va bien se passer. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas venir donner. Et puis, vous allez voir, une fois qu'on a fait ce geste, vous allez être content de faire une bonne action. Bien sûr. Non, mais effectivement, pour les côtoyer, le personnel de la Maison du Don, c'est mettre en confiance aussi tous les donneurs. Il existe, il a des cas, effectivement, où les personnes font malaise, on ne va pas se voiler la face, mais ça reste marginal. Quoi. Oui, et puis on est toujours bien soigné, bien cajolé par les gens de l'EFS ou alors les gens des amicales. Exactement, c'est un partenariat, c'est tout un parcours et... dans une bonne ambiance et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Allez, j'avais dit que c'était la dernière, mais j'en ai encore une. Est-ce qu'il est utile de connaître son groupe sanguin quand on donne son sang? Pas du tout. Vous pouvez donner. Le groupe va être fait de toute façon sur chaque prélèvement et donc sera dirigé vers la personne adéquate. Bon, on a pas mal de réponses là, Dominique. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aurais quand même une question parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui écoutent. Comment ça se passe pour un premier don? Parce que c'est un peu différent. J'ai vu qu'on piquait le doigt des gens qui donnaient pour la première fois. Exactement, il est bien enseigné, Dominique. Oui, en fait, pour un premier don, on va avoir besoin d'une référence sur votre taux d'hémoglobine, de globules rouges. Et donc, on va vous faire un tout petit prélèvement capillaire au bout du doigt pour estimer justement ce taux d'hémoglobine. 12 pour une femme, 13 pour un homme. Et à partir du moment où la vérification est bonne, vous allez pouvoir donner. Ok, quand on dit capillaire, rien à voir avec les cheveux, je suppose. Tu parles pour toi, là, parce que... Ouais. Ok, bon, allez, on va conclure, parce que là, je pense que c'est mal barré. Allez, la tradition, c'est que, en guise de mot de la fin, là, docteur, que diriez-vous pour convaincre les personnes qui hésiteraient encore, malgré cette brillante intervention? Je dirais tout simplement que chacun de soi connaît autour de lui une personne de sa famille ou d'un voisin... quelqu'un de son entourage qui a eu besoin de sang ou qui va en avoir besoin. Et donc, voilà, on reste sur un geste solidaire et d'aide sur ses prochains. Et c'est important aujourd'hui. Quel beau mot de la fin. Merci, docteur Brulard. Merci à vous. Le temps du don, le temps de l'agenda. Alors Dominique, quelles sont les dates des prochaines collectes? On commence autour de la cité cavalière, je te propose, dans le Lunévillois. Où pourra-t-on donner son sang? Alors Christophe, à Rosières-aux-Salines, ça sera le 10 novembre, à Saint-Nicolas-de-Port le 19 novembre, et puis plus loin, à Avricourt, aussi le 19 novembre. Et enfin, dans la Cité du Cristal, à Baccarat, le 10 novembre. Oh, c'est beau. Ouais. Et si on reste autour de Nancy? Alors, à Faux, alors c'est un petit peu plus loin de Nancy, mais c'est le 8 novembre. À Pont-Saint-Vincent, ça sera le 13 novembre. Et à Malzéville, donc juste à côté de Nancy, le 18 novembre. Allez, je te propose de monter vers le Pays Haut. Eh bien, toujours en montant, à Blénaud-les-Ponts-à-Mousson le 20 novembre. À Valleroy, le 20 novembre aussi. À Lexy, alors vraiment, on est tout en haut, le 19 novembre. Et à Connay-Romain, le 13 novembre. Et dans le Toulois et dans le Saintois, il y aura des collectes ? Oui, alors rapidement, à Toul, toute la journée du 25 novembre, à la salle de l'Arsenal. Pour nos amis étudiantes et étudiants, on pourra donner dans les facs de sciences, de médecine et de lettres en novembre. À chaque fois, c'est plusieurs jours, renseignez-vous. Et pour donner son plasma ou ses plaquettes, ou simplement son sang, toujours à la Maison du Don, boulevard Lobo, à Nancy. Et on trouve toutes les dates sur le site de l'EFS, à dondusang.efs.sante.fr, ou vous tapez « don du sang » sur votre navigateur préféré. Merci Dominique. Le temps du don, c'est fini pour aujourd'hui. Le temps de cette émission, vous auriez pu faire un don de sang et devenir un héros en sauvant 3 vies. On vous retrouve avec Dominique le mois prochain, vendredi 5 décembre, avec un nouvel invité.